Apparemment, tout est trop triste. Trop d'histoires, beaucoup trop de risques. Riche, trop de stress et pas trop de reste. Après coup, carrément, je me fous de tout ça. L'argent, tout ça, remplir toute salle. Je suis carrément taré sur le pavé. Ciment et jamais avec toi, dimanche, navré, même en paré. Je te baisse, canton et continent, vos mères. Condiment, c'est à vomir. Contingence, con, un monde de dingue pour plein de gens. Et on me dit non, ouais, d'être gentil, j'avance à gens. Écris, décris des crimes. C'est sur des pages entières, conditionnées, jamais condées, pas de condiments. Un monde immense dans de l'art, ce qu'on dit, le sarco des brefs, impertinent. Écho averti, lointain et pertinent, lointain et pertinent. C'est père qui lance moins de soins, mère qui monte abstinence, ce qui donne une merde immense. Une vague de masse, perdue comme une balle au Val-de-Marne. Une vague de marre, une vague de mac, en mal de maille, en mal des flaques et marre de sang là où flingue descend. Sans drame, pleine descente, descente pour les tox et pour les taux descendants. Centrale, musicalement mes entrailles au fond des taux, c'est ce qu'on chantera. Entre nous, rien doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mais... les membres prennent leur envol à 8 en vol en ville. Sans état d'âme, ça vagabonde avec les mêmes envies. Dans les ennuis, les mères s'affolent, on se tient en vie. Ça traîne en pente, les bancs d'école sont vides et je n'ai qu'un pied dans le jean. Dans loin, j'y ai autant d'in, porc que de merde en outdoor. C'est comme dans I, époque tendue, y'a pas que la nuit, que les putes d'antilles. Tes potes ton cul, nouveau standing, sont plus dans le gym, attaque la nuit. On y loin, ni la cam en ivoire, cerveau en stand-by, la haine en ivoire. T'en passe tant pis pour ce qu'on y voit, les liens sans pile, c'est passe tant big pi. Tant pis pour la balle dans le beat, on vit dans le vide, dans le pire, ça reste dans le beat, peu évident. Évidemment, je reste dans le beat, dans le vrai, et pas dans le is qui est vital. Le frisson, du casse-pipe à la casse-prison, inévitable. Chargeur, ça se vide, bah ça se pire, ça se pire, et moi je suis sans vigueur. Les mondes prennent leur envol à 8 en vol en ville. Sans état d'âme, ça vagabonde avec les mêmes envies. Devant les ennuis, les mères s'affolent, on se tient en vie. Ça traîne en pente, les bancs d'école sont vides et je n'ai qu'un pied dans le jean. Une gratte cerbessant, pas une estrade. Quand je pique mes strates, mes mots de l'air baissent. Elle est pesant, stress, rap, frappe et sale espèce. Humeur blafarde, cafard dans le studio, des petits espaces. Le vide d'espace, spécimen space. Bonheur s'espace, s'espèce comme un test base à la messe pas de fou. Attendre la brasse pour connaître l'Espagne. Ben plus qu'une mauvaise passe. Des mauvaises passes. Les mômes prennent leur envol à 8 en vol en ville, en vogue sur terrain vagabonde. Sans état d'âme, ça vagabonde avec les mêmes envies. Devant les ennuis, les mères s'affolent, on se tient en vie. Ça traîne en pente, les bancs d'école sont vides. Les fils d'Andine et je n'ai qu'un pied dans le jean.